Bonjour amis Béliers, bienvenue dans votre petit tirage concernant vos amours pour le mois de mai 2023. Alors, quel est le tirage, le conseil de l'oracle de Béline pour les Béliers? Alors bon, apparemment vous êtes dans une période un peu de difficulté, vous ne savez plus trop où vous allez, vous avez l'impression de ramer. Si vous êtes célibataire, vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Et en couple, eh bien, ce n'est pas une période des plus épanouissantes, mais ça, c'est au départ. Alors, on va voir ce qui se passe. Donc, pour les béliers, mois de mai 2023. Je vais mettre les autres cartes de côté. Donc, on y va. Je découvre le tirage en même temps que vous. Ah, apparemment, et notamment aussi par rapport à cette coupe, c'est vrai que vous êtes peut-être fatigué d'une situation, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous aérer l'esprit, peut-être qu'il y a des possibilités en mai de week-end prolongé, etc. Je n'invente pas les cartes, je sais qu'au mois de mai, il y a des week-ends prolongés. Mais voilà, les cartes sont sorties, donc elles insistent sur le fait de profiter de petits jours fériés si possible, de week-end, ou une journée au mieux, au vert, sortez de vos habitudes. Parce que c'est à cette occasion que vous allez avoir la possibilité de vous résoudre une situation qui vous déplaisait. Comme on a vu dans la coupe, eh bien, il s'agissait de difficultés dans votre couple, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver, peut-être qu'il y a pu y avoir une dispute et que vous avez besoin de vous réconcilier. Dans ce cas, au mois de mai, c'est l'occasion de vous retrouver au travers d'un petit déplacement, d'un petit voyage. Voilà, pour les célibataires, eh bien, bougez, ne restez pas toujours dans les mêmes endroits, essayez de sortir également, si vous pouvez voyager un petit peu, ça peut ne pas être loin, ça peut ne pas être coûteux, il y a des possibilités, et là, vous allez avoir une possibilité de vous sentir mieux et de retrouver, alors je vais pas vous dire que vous allez rencontrer l'amour de votre vie au mois de mai ici, mais apparemment vous allez retrouver de l'espoir dans votre avenir relationnel. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite un bon mois de mai.